Les chaises. Farce tragique. Personnage. Le vieux, 95 ans. La vieille, 94 ans. L'orateur et beaucoup d'autres personnages. Décor. Mur circulaire avec un renfoncement dans le fond. C'est une salle très dépouillée. À droite, en partant de l'avant-scène, trois portes. Puis une fenêtre avec un escabeau devant. Puis encore une porte. Dans le renfoncement, au fond, une grande porte d'honneur à deux battants et deux autres portes se faisant vis-à-vis et encadrant la porte d'honneur. Ces deux portes sont presque cachées aux yeux du public. À gauche de la scène, toujours en partant de l'avant-scène, trois portes, une fenêtre avec escabeau, et faisant vis-à-vis à la fenêtre de droite, puis un tableau noir et une estrade. Sur le devant de la scène, deux chaises côte à côte. Une lampe à gaz est accrochée au plafond. Le rideau se lève. Demi-obscurité. Le vieux est penché à la fenêtre de gauche, monté sur l'escabeau. La vieille allume la lampe à gaz. Lumière verte. Elle va tirer le vieux par la manche. Allons, mon chou, ferme la fenêtre. Ça sent mauvais l'eau qui croupit et puis l'antre des moustiques. Laisse-moi tranquille. Allons, allons, mon chou, viens t'asseoir, ne te penche pas, tu pourrais tomber dans l'eau, tu sais ce qui est arrivé à François Ier, faut faire attention. Encore des exemples historiques, ma crotte, je suis fatigué de l'histoire française, je veux voir. Les barques sur l'eau font des taches au soleil. Tu ne peux pas les voir, il n'y a pas de soleil, c'est la nuit, mon chou. Il en reste l'ombre. Le vieux se penche très fort. La vieille le tire de toutes ses forces. Oh, tu me fais peur, mon chou, viens t'asseoir, tu ne les verras pas venir, c'est pas la peine. Il fait nuit. Le vieux se laisse traîner à regret. Je voulais voir, j'aime tellement voir l'eau. Comment peux-tu, mon chou? Ça me donne le vertige. Oh, cette maison, cette île, je ne peux m'y habituer. Tout entouré d'eau, de l'eau sous les fenêtres, jusqu'à l'horizon. La vieille et le vieux, la vieille traînant le vieux, se dirigent vers les deux chaises au devant de la scène. Le vieux s'assoit tout naturellement sur les genoux de la vieille. Le vieux. Il est 6 heures de l'après-midi, il fait déjà nuit. Tu te rappelles, jadis, ce n'était pas ainsi. Il faisait encore jour à 9 heures du soir, à 10 heures, à minuit. C'est pourtant vrai, quelle mémoire! Ça a bien changé. Pourquoi donc, selon toi? Je ne sais pas, Sémiramis, ma crotte. Peut-être parce que plus on va, plus on s'enfonce. C'est à cause de la terre qui tourne, tourne, tourne, tourne. Tourne, tourne, mon petit chou. Oh oui, tu es certainement un grand savant. Tu es très doué, mon chou. Tu aurais pu être président-chef, roi-chef ou même docteur-chef, maréchal-chef, si tu avais voulu, si tu avais eu un peu d'ambition dans la vie. À quoi cela nous aurait-il servi? On n'en aurait pas mieux vécu. Et puis nous avons une situation, je suis maréchal tout de même, des logis, puisque je suis concierge. La vieille caresse le vieux comme on caresse un enfant. Mon petit chou, mon mignon,

Les deux vieux rient ensemble. Alors on a ri, a ri, a ri, a ri, a ri, va, ri, a ri, le drôle ventre nu, au ri, a ri, va, au ri. On entend. Alors on a ventre nu, a ri, il a mal, on a ha, ri, a ri, va, ri. La vieille, c'était donc ça ton fameux pari. Qui pourrait dire mieux? Oh, tu es tellement, mon chou, bien, oh, tellement, tu sais, tellement, tellement, tu aurais pu être quelque chose dans la vie de bien plus qu'un maréchal des logis. Soyons modestes, contentons-nous de peu. Peut-être as-tu brisé ta vocation? Je l'ai brisé, je l'ai cassé, ah, où es-tu, maman, maman, où es-tu? Hihihi, je suis orphelin. Un orphelin, un orphelin. Je suis avec toi, que crains-tu? Non, Sémiramis, ma creux, tu n'es pas ma maman orphelin, orphelin, qui va me défendre. Mais je suis là, mon chou. C'est pas la même chose, je veux ma maman. Non, tu n'es pas ma maman, toi. Tu me fends le cœur, pleure pas, mon petit. Laisse-moi, je me sens tout brisé, j'ai mal. Calme-toi. Le vieux sanglote, la bouche largement ouverte comme un bébé. Je suis un orphelin, orphelin. La vieille tâche de le consoler, le cajole. Mon orphelin, mon chou, tu me crèves le cœur, mon orphelin. Elle berce le vieux, revenu depuis un moment sur ses genoux. Le vieux, hi hi hi, ma maman, où est ma maman? J'ai plus de maman. Je suis ta femme, c'est moi ta maman maintenant. C'est pas vrai, je suis orphelin. La vieille le berce toujours, mon mignon, mon orphelin, orphelin, orphelon, orphelaine, orphelin. Le vieux, non, je veux pas, je veux pas. La vieille, orphelon, lit, orphelon, l'air, orphelon, long, orphelon, là. Le vieux, non, non. La vieille, lilon, la, la, lilon, la, l'air, orphelon, lire, orphelon, lire, lire, l'air, orphelon, lire, lire, la. Le vieux, où elle est, ma maman? La vieille, au ciel fleuri, elle t'entend, elle te regarde entre les fleurs, ne pleure pas, tu la ferais pleurer. C'est même pas vrai, elle ne me voit pas, elle ne m'entend pas. Je suis orphelin, tu n'es pas ma maman. Voyons, calme-toi, ne te mets pas dans cet état. Tu as d'énormes qualités, mon petit maréchal, essuie tes larmes. Ils doivent venir ce soir, les invités, il ne faut pas qu'ils te voient ainsi. Tout n'est pas brisé, tout n'est pas perdu, tu leur diras tout, tu expliqueras, tu as un message. Tu dis toujours que tu le diras, il faut vivre, il faut lutter pour ton message. J'ai un message, tu dis vrai. Je lutte, une mission, j'ai quelque chose dans le ventre. Un message à communiquer à l'humanité, à l'humanité. À l'humanité, mon chou, ton message. C'est vrai, ça, c'est vrai. La vieille mouche le vieux essuie ses larmes. C'est ça, tu es un homme, un soldat, un maréchal des logis. Je ne suis pas comme les autres. J'ai un idéal dans la vie. Je suis peut-être doué, comme tu dis, j'ai du talent, mais je n'ai pas de facilité. J'ai bien accompli mon office de maréchal des logis. J'ai toujours été à la hauteur de la situation, honorablement. Cela pourrait suffire. Pas pour toi, tu n'es pas comme les autres, tu es bien plus grand. Et pourtant, tu aurais beaucoup mieux fait de t'entendre avec tout le monde. Tu t'es disputé avec tous tes amis, avec tous les directeurs, tous les maréchaux, avec ton frère. C'est pas ma faute, Sémiramis. Tu sais bien ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mes amis, j'ai une puce, je vous rends visite dans l'espoir de laisser la puce chez vous. Ça se dit, mon chéri, tu n'aurais pas dû faire attention, mais avec Karel, pourquoi t'es-tu fâché? C'était sa faute aussi? Tu vas me mettre en colère. Non, bien sûr, c'était sa faute. Il est venu un soir, il a dit, « Je vous souhaite bonne chance. Je devrais vous dire le mot qui porte chance. Je ne le dis pas, je le pense. » Et il riait comme un veau. Il avait bon cœur, mon chou. Dans la vie, il faut être moins délicat. « Je n'aime pas ces plaisanteries. » Oh, tu aurais pu être marin-chef, ébéniste-chef, roi-chef d'orchestre. Silence.

Voix du vieux. Bonjour, madame. Donnez-vous la peine d'entrer. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Voici ma femme. Voix de la vieille. Bonjour, madame. Très heureuse de vous connaître. Attention, n'abîmez pas votre chapeau. Vous pouvez retirer l'épingle. Ce sera plus commode. Oh non, on ne s'assoira pas dessus. Voix du vieux. Mettez votre fourrure là, je vais vous aider. Non, elle ne s'abîmera pas. Oh, quel joli tailleur, un corsage tricolore. Vous prendrez bien quelques biscuits, vous n'êtes pas grosse. Non, potelez, déposez le parapluie. Suivez-moi, s'il vous plaît. Le vieux de dos. Je n'ai qu'un modeste emploi. Le vieux et la vieille se retournent en même temps et en s'écartant un peu pour laisser la place entre eux à l'invité. Celle-ci est invisible. Le vieux et la vieille avancent maintenant de face vers le devant de la scène. Ils parlent à la dame invisible qui avance entre deux. Vous avez eu beau temps. Vous n'êtes pas trop fatigué? Si, un peu. Au bord de l'eau, trop aimable de votre part, je vais vous apporter une chaise. Le vieux se dirige à gauche. Il sort par une porte. La vieille. En attendant, prenez cette chaise. Elle indique une des deux chaises et s'assoit sur l'autre, à droite de la dame invisible. Il fait chaud, n'est-ce pas? Quel joli éventail! Mon mari, le vieux, réapparaît par une autre porte avec une chaise. M'en avait offert un semblable il y a 73 ans. Je l'ai encore. Le vieux met la chaise à gauche de la dame invisible. C'était pour mon anniversaire. Le vieux s'assoit sur la chaise qu'il vient d'apporter. La dame invisible se trouve donc au milieu. Le vieux, la figure tournée vers la dame, lui sourit, hoche la tête, frotte doucement ses mains l'une contre l'autre, a l'air de suivre ce qu'elle dit. Le jeu de la vieille est semblable. Madame, la vie n'a jamais été bon marché. Vous avez raison. Comme vous dites, il serait temps que cela change. Mon mari peut-être va s'en occuper, il vous le dira. Tais-toi, tais-toi, Sémiramis, ce n'est pas encore le moment d'en parler. Excusez-moi, madame, d'avoir éveillé votre curiosité. Chère madame, n'insistez pas. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui, oui, oui, oh, que non, madame. Oui, oui, oui, pas du tout. Oui, non, vous l'avez dit, pas possible. Oh, alors, elle est charmante. Madame a fait ta conquête, mon chou, mes félicitations. Vous n'êtes pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Laissez, ne vous dérangez pas, je vais ramasser votre éventail. Oh, vous avez été plus vite que moi. Elle n'a pas ton âge. La vieillesse est un fardeau bien lourd. Je souhaite que vous restiez jeune éternellement. Il est sincère. C'est son bon cœur qui parle. Mon chou. Quelques instants de silence. Les vieux, de profil à la salle, regardent la dame souriant poliment. Ils tournent ensuite la tête vers le public, puis regardent de nouveau la dame répondre par des sourires à son sourire, puis par les répliques qui suivent à ses questions. Vous êtes bien aimable de vous intéresser à nous. Nous vivons retirés. Sans être misanthrope, mon mari aime la solitude. Nous avons la radio, je pêche à la ligne, et puis il y a un service de bateau assez bien fait. Le dimanche, il en passe deux le matin, un le soir, sans compter les embarcations privées. Quand il fait beau, il y a la lune. Il assume toujours ses fonctions de maréchal des logis, ça l'occupe. C'est vrai, à son âge, il pourrait prendre du repos. J'aurais bien le temps de me reposer dans la tombe. Ne dis pas ça, mon petit chou. La famille, ce qu'il en reste, les camarades de mon mari venaient encore nous voir de temps à autre, il y a 10 ans. L'hiver, un bon livre près du radiateur, des souvenirs de toute une vie. Une vie modeste mais bien remplie. 2 heures par jour, il travaille à son message. On entend sonner. Depuis très peu d'instants, on entendait le glissement d'une embarcation. La vieille au vieux. Quelqu'un, va vite. Vous m'excusez, madame. Un instant. À la vieille. Va vite chercher des chaises. la vieille à la dame. Je vous demande un petit moment, ma chère. On entend de violents coups de sonnette. Le vieux se dépêchant, tout cassé, vers la porte à droite, tandis que la vieille va vers la porte cachée à gauche, se dépêchant mal, boitillant. C'est une personne bien autoritaire. Il se dépêche, il ouvre la deuxième porte. Entrée du colonel invisible. Peut-être sera-t-il utile que l'on entende discrètement quelques sons de trompette, quelques notes du salut au colonel. Dès qu'il a ouvert la porte, apercevant le colonel invisible, le vieux se fige en un garde-à-vous respectueux. « Ah, mon colonel !» Il lève vaguement le bras en direction de son front pour un salut qui ne se précise pas. « Bonjour, mon colonel, c'est un honneur étonnant pour moi. Je ne m'attendais pas, bien que... Pourtant, bref, je suis très fier de recevoir dans ma demeure discrète un héros de votre taille. » Il serre la main invisible que lui tend le colonel invisible, puis, après s'être incliné, se redresse. Sans fausse modestie toutefois, je me permets de vous avouer que je ne me sens pas indigne de votre visite. Fier, oui, indigne, non. La vieille qui apparaît avec sa chaise par la droite. Oh, quel bel uniforme, quelle belle décoration. Qui est-ce, mon chou? Tu ne vois donc pas que c'est le colonel? Ah! Le vieux au colonel, c'est mon épouse, c'est Miramis. Approche que je te présente à mon colonel. Ma femme, le colonel. Enchanté, mon colonel, soyez le bienvenu. Vous êtes un camarade de mon mari. Il est maréchal. Oh, des logis, des logis. Le colonel invisible baise la main de la vieille. Cela se voit d'après le geste de la main de la vieille se soulevant comme vers des lèvres. D'émotion, la vieille lâche la chaise. « Oh, il est bien poli, ça se voit que c'est un supérieur, un être supérieur. La chaise est pour vous. Daignez nous suivre. » Ils se dirigent tous vers le devant de la scène, la vieille traînant la chaise au colonel. « Oui, nous avons quelqu'un. Nous attendons beaucoup d'autres personnes. » La vieille place la chaise à droite. La vieille au colonel, « Asseyez-vous, je vous prie. » Le vieux présente l'un à l'autre les deux personnes invisibles. « Une jeune dame de nos amis, une très bonne amie, le colonel, un éminent militaire. Prenez donc cette chaise, colonel. Mais non, tu vois bien que le colonel veut s'asseoir à côté de la dame. » Le colonel s'assoit invisiblement sur la troisième chaise à partir de la gauche de la scène. La dame invisible est supposée se trouver sur la deuxième. Une conversation inaudible s'engage entre les deux personnages assis l'un près de l'autre. Les deux vieux restent debout derrière leur chaise, d'un côté et de l'autre des deux invités. Le vieux à gauche à côté de la dame, la vieille à la droite du colonel. La vieille écoutant la conversation des deux invités. « Oh, oh, oh, c'est trop fort !» Le vieux, « Peut-être. » « Oui, mon colonel, ils ne sont pas encore là, ils vont venir. C'est l'orateur qui parlera pour moi. Il expliquera le sens de mon message. Attention, colonel, le mari de cette dame peut arriver d'un instant à l'autre. Qui est ce monsieur? Je te l'ai dit, c'est le colonel. » Il se passe invisiblement des choses inconvenantes. Je le savais. Alors pourquoi le demandes-tu? Pour savoir. Colonel, pas par terre, les mégots. Et mon colonel, j'ai oublié la dernière guerre. L'avez-vous perdue ou gagnée? Mais ma petite, ne vous laissez pas faire. Le vieux, regardez-moi, ai-je l'air d'un mauvais soldat? Une fois, mon colonel a une bataille. La vieille, il exagère, c'est inconvenant. Écoutez-le, mon chou, ne le laisse pas faire. À moi tout seul, j'en ai tué beaucoup. Ils sautaient très haut pour échapper. Colonel, mais grâce à ma force de caractère, je les ai... Oh non, je vous en prie. La vieille, au colonel, mon mari ne ment jamais. Nous sommes âgés, il est vrai. Pourtant, nous sommes respectables. Je vous connais depuis bien longtemps. Je n'aurais jamais cru cela de votre part. À la dame, tandis que l'on entend des barques. Je n'aurais jamais cru cela de sa part. Nous avons notre dignité. Le vieux, je suis encore en mesure de porter les armes. Poutsonnette, excusez-moi, je vais ouvrir. Il fait un faux mouvement. La chaise de la dame invisible se renverse. Oh, pardon, la vieille, vous ne vous êtes pas fait du mal. Vous vous êtes sali, il y a de la poussière. La vieille aide la dame à s'épousseter. Nouveau coup de sonnette. Le vieux, je m'excuse. À la vieille, va chercher une chaise. La vieille aux deux invités, excusez-nous un instant. Tandis que le vieux va ouvrir la troisième porte, la vieille sort pour aller chercher une chaise par la cinquième porte et reviendra par la huitième. Le vieux, il voulait me faire enrager. Je suis presque en colère. Il ouvre la porte. Oh, madame, c'est vous. Je n'en crois pas mes yeux. Et pourtant si, je ne m'y attendais plus du tout. Vraiment, c'est... Oh, madame, madame, j'ai pourtant bien pensé à vous. Toute ma vie, toute la vie. Madame, on vous appelait la belle. C'est votre mari, on me l'a dit, assurément. Vous n'avez pas changé du tout. Oh, si, si, comme votre nez s'est allongé, comme il a gonflé. Je ne m'en étais pas aperçu à première vue, mais je m'en aperçois. Terriblement allongé. Oh, quel dommage. Ce n'est tout de même pas exprès. Comment cela est-il arrivé ? Petit à petit. Excusez-moi, monsieur et cher ami, permettez-moi de vous appeler cher ami. J'ai connu votre femme bien avant vous. C'était la même, avec un nez tout différent. Je vous félicite, monsieur. Vous avez l'air de beaucoup vous aimer. La vieille apparaît avec une chaise. Sémiramis, il y a deux personnes arrivées. Il faut encore une chaise. La vieille pose la chaise derrière les quatre autres, puis sort par la huitième porte pour entrer par la porte 5, au bout de quelques instants avec une autre chaise qu'elle posera à côté de celle qu'elle venait d'apporter. À ce moment, le vieux sera arrivé avec ses deux invités près de la vieille. « Approchez, approchez, nous avons déjà du monde. Je vais vous présenter. Ainsi donc, madame, oh, belle, belle, mademoiselle belle, ainsi on vous appelait. Vous êtes courbée en deux, oh, monsieur. Elle est bien belle encore quand même, sous ses lunettes. Elle a encore ses jolis yeux. Ses cheveux sont blancs, mais sous les blancs, il y a les bruns, les bleus, j'en suis certain. Approchez, approchez, qu'est-ce que c'est, monsieur? Un cadeau pour ma femme. » À la vieille qui vient d'arriver avec la chaise. « Sémiramis, c'est la belle, tu sais, la belle. » Au colonel et à la première dame. « C'est mademoiselle, pardon, madame belle, ne souriez pas, et son mari. » À la vieille. « Une amie d'enfance, je t'en ai souvent parlé, et son mari. » Au colonel et à la dame. « Et son mari. » La vieille fait la révérence. « Il présente bien, ma foi, et la belle allure. » « Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. » Elle montre au nouveau venu les deux autres personnes. « Des amis, oui. » Le vieux, à la vieille, « Il vient t'offrir un cadeau. » La vieille, « Est-ce une fleur, monsieur, ou un berceau? Un poirier ou un corbeau? Mais non, tu vois bien, c'est un tableau. Oh, comme c'est beau. Merci, monsieur. » À la première dame, « Regardez, ma chère amie, si vous voulez. » Le vieux au colonel, « Regardez, si vous voulez. » La vieille au mari de la belle, « Docteur, docteur, j'ai des nausées, j'ai des bouffées, j'ai mal au cœur, j'ai des douleurs, je ne sens plus mes pieds, j'ai froid aux yeux, j'ai froid aux doigts, je souffre du foie, docteur, docteur. » « Ce monsieur n'est pas docteur, il est photograveur. » « Si vous avez fini de le regarder, vous pouvez l'accrocher, ce tableau. » « Ça ne fait rien, il est quand même charmant, il est éblouissant, » au photograveur, sans vouloir vous faire de compliments. Le vieux et la vieille doivent maintenant se trouver derrière les chaises, tout près l'un de l'autre, se touchant presque, mais dos à dos. Ils parlent, le vieux à la belle, la vieille au photograveur. De temps en temps, une réplique en tournant la tête est adressée à l'un ou à l'autre des deux premiers invités. Le vieux, à la belle. Je suis très ému. Vous êtes bien vous, tout de même. Je vous aimais il y a 100 ans. Il y a en vous un tel changement. Il n'y a en vous aucun changement. Je vous aimais, je vous aime. La vieille au photograveur. Oh, monsieur, monsieur, monsieur. Le vieux au colonel. Je suis d'accord avec vous sur ce point. La vieille au photograveur. Oh, vraiment, monsieur, vraiment. À la première dame. Merci de l'avoir accroché. Excusez-moi si je vous ai dérangé. La lumière est plus forte. Elle devient de plus en plus forte à mesure que rentrent les arrivants invisibles. Le vieux à la belle. Où sont les neiges d'antan? La vieille au photograveur. Oh, monsieur, monsieur, monsieur, oh, monsieur. Le vieux indiquant du doigt la première dame à la belle. C'est une jeune amie, elle est très douce. La vieille indiquant du doigt le colonel au photograveur. Oui, il est colonel, un camarade de mon mari, un subalterne, mon mari est maréchal. Le vieux à la belle. Vos oreilles n'ont pas toujours été pointues, ma belle, vous souvenez-vous? La vieille au photograveur mine aux dents grotesques. Elle l'est de plus en plus dans cette scène. Elle montrera ses gros bas rouges, soulèvera ses nombreuses jupes, fera voir un jupon plein de trous, découvrira sa vieille poitrine. Puis, les mains sur les hanches, lancera sa tête en arrière en poussant des cris érotiques, avancera son bassin, les jambes écartées, elle rira. Ce jeu, tout différent de celui qu'elle a eu jusqu'à présent et de celui qu'elle aura par la suite, et qui doit révéler une personnalité cachée de la vieille, cessera brusquement. La vieille, ce n'est plus de mon âge, vous croyez? Le vieux à la belle. De notre temps, la lune était un astre vivant. Ah oui, oui, si on avait osé, nous étions des enfants. Voulez-vous que nous rattrapions le temps perdu? Peut-on encore? Peut-on encore? Oh non, non, on ne peut plus. Le temps est passé aussi vite que le train. Il a tracé des rails sur la peau. Vous croyez que la chirurgie esthétique peut faire des miracles? Nous aurions pu être si heureux, je vous le dis. Nous aurions pu. Peut-être des fleurs poussent sous la neige. La vieille au photograveur. Flatteur, coquin. Ah, je fais plus jeune que mon âge. Vous êtes un petit apache. Vous êtes excitant. Le vieux à la belle. Voulez-vous être mon Iseux et moi votre Tristan? La beauté est dans les cœurs, comprenez-vous. On aurait eu la joie en partage, la beauté, l'éternité, l'éternité. Pourquoi n'avons-nous pas osé? Nous n'avons pas assez voulu. Nous avons tout perdu, perdu, perdu. La vieille au photograveur. Oh non, oh non, oh là là, vous me donnez des frissons. Vous aussi, vous êtes chatouillé, chatouilleuse ou chatouilleur. J'ai un peu honte. Aimez-vous mon jupon? Préférez-vous cette jupe? Le vieux à la belle, une pauvre vie de maréchal des logis. La vieille tourne la tête vers la première dame invisible. Pour préparer des crêpes de Chine, un œuf de bœuf, une heure de beurre, du sucre gastrique. Au photograveur, vous avez des droits à droit, ah, tout de même, oh, oh. Le vieux à la belle. Ma noble compagne, Sémiramis, a remplacé ma mère. Il se tourne vers le colonel. Colonel, je vous l'avais pourtant bien dit, on prend la vérité où on la trouve. La vieille au photograveur. Vous croyez vraiment, vraiment, que l'on peut avoir des enfants à tout âge, des enfants de tout âge? Le vieux à la belle. C'est bien ce qui m'a sauvé, la vie intérieure, un intérieur calme, l'austérité, mes recherches scientifiques, la philosophie, mon message. La vieille au photograveur. Je n'ai encore jamais trompé mon époux, le maréchal, pas si fort. Vous allez me faire tomber, je ne suis que sa pauvre maman, une arrière-arrière-maman. Ces crises et ma conscience qui les poussent. Pour moi, la branche du pommier est cassée. Cherchez ailleurs votre voie, je ne veux pas cueillir les roses de la vie. Le vieux, des préoccupations d'un ordre supérieur. Le vieux et la vieille conduisent la belle et le photograveur à côté des deux autres invités invisibles, les font asseoir. Le vieux et la vieille, au photograveur et à la belle, asseyez-vous, asseyez-vous. Les deux vieux s'assoient.